Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande Konangai, tozwa fête nous soit bonne année à la Simanabiso. Ce n'est pas notre préoccupation. L'heure est grave. L'heure est grave parce que en dehors, il y a autre sala qui est mission tolobi. ADF n'a pas eu de copie à Mboussa Nyamouissi. Tu as eu de découvrir que tu as eu de la belle. En tout cas, voilà, on a eu pour comprendre réellement ce que nous voulons vous dire. Mais il y a eu d'alerte dans la copie. Il y a eu de la Kinshasa, il y a eu de l'internet, il y a eu de la copie. Pas parce que Bazangi Mboka okota na internet mingi mingi bakota kabiloko oyo eza kopesa avancement à République T. Bazana ba Facebook batalaka ba photo bakomelaka ba biloko lol lol alors que pays eza na problème. Bakokota ka na ba WhatsApp bazako sur la biloko moko oyo on sent que ce nous sommes un peuple distrait. Et donc information la mingi na pesa. Bino bato ya diaspora nde na mona kabolanda ka ba émission début tu fin na bokebi na kishasa bazami ngité tout ça là est fort. Nous sommes en train de croire que vie za la kandenge wana ko la muka kolia misuli ya tono ko bina musique et puis sili pendant que munguna za ko s'organiser avec le ora ba distrait tout ça là nini. Munguna azako s'organiser à l'obi, le corps présent à Bango, azako, aza, seul contre tous, bisoto beta match, pour la peuple distrait, tout botola mboka, ako sutuka, tosito zuyango, parce que, population to abandonné lutte, to tiki présent dans un pays qui est moko, naba tumuke, pemberi naye. Et donc, ici, je voudrais que donner information, moko na sengi na bato. BGM, bakoze BGM boke ndeko vérifier esika tozolo bela likambwana parce que bino boyebaka nani akoti akoti na lolenge nini bopesa ki visa na nani e aye ko sala nini to sengi na aner ako kapo vérifier batoyo bazaya ba osala nini musala bango wa nini pona nini bayaki awa est-ce que il faut totika na bango toto zongisa bango toto kanga bango. Natangi mutute nina beleli buke ndeko tala nanu na kurazuma ya wileli na usoke bilengi boko boyeza koya wana botu na bilengi wana awa boye boye kosaa nini mouti wapi tango boko yebe sika bauti posibilite soke zali bazongo sika bauti nazako senga na mokonzi mboka na premier ministre. Botala, dans quelle mesure loko baza ko sala recrutement na ofida botalisi ya makasi place wana botala banani balingi ba kota kuna na kati sinon on va recruter des étrangers à la place des autochtones et lorsque ba recruter ba toye ba uti musika salaire tout ba kobanda ko zwa e ko kende pa na bango au e ko tika la vide. Soki momoni ki eza mwa mobulu bobo ya rekrutman na esalema apres enquête ya esika tolakisi bino boli yango na makambo tozoloba ya rekrutman toleki wana bandeko na ngai on a fait ça a fait couler beaucoup d'encre l'information sur Mboussa Nyamouissi avec ADF Nalo mais qu'on n'oublie pas une aile importante qui joue la carte depuis très longtemps. C'est l'homme Lamuka et Senko. Bon, se rappeler que Senko a driblaka une des pèses et allié na Saint-Sylvestre. Bako Saka batu tout la République que Bozana plan B. Bon, pas la bambongo, la bachole. Bango malgré où il va s'arrêter en décembre, wana, bakende qui qu'on rendre compte na Kabila, balobi biso to sali musala oyo pesa ki biso, ye asala ya ye musala. Cela veut dire que ces décisions qu'on avait tirées de Saint-Sylvestre n'étaient pas opposables à tout le monde. Parce que eux, ils ont amené à Kabila pour qu'il y ait un intérimé à décider, à tamiser s'il faut. C'est ainsi que vous avez vu Tshibala venir à travers ça. C'est ainsi que vous avez vu Olengankoy être aussi président de rassemblement à côté. Alors que Félix Tshisekedi était président du rassemblement bien reconnu. C'est ainsi que vous verrez, dans le moment où Eve Bazaï va réclamer place aux Ezalaki à papa Etienne Tshisekedi, qu'il faut Bangope va se retrouver dans la place où trahison ou taki moussika bandeko. Nandingi peut réfléchir très bien. Bon, ni tout na question yo. Marche se laisse à Salaki. Marche yo, bazaïki ko benga ba prêtre catholique, ba ndimi, ba koufi, belé na ba église. Tala vers la fin pour Kabila cédé tout ça la élection. Bon, ça là qui attention te. Na milongoli parce que là na ça là qui attention. Ya ngona mingi bazo fina na le bozo mutu ya jalelo ya Félix Tshisekedi. Siko bato da fina ranga di alelo bolanda awa na ko faire comprendre bino. Puisque Senko. Puisque CLC. Bantu nyonso na IDPS basanganaki na ba parti mosusu objectif ezalaki moko, Kabila doit partir et que l'opposition allait prendre le pouvoir. Bandeko na ngai, botala très bien ce qui s'était passé. Tango bakei Afrique du Sud, bakei Genève, babeti bakou nyonso esili. Il y a le Amango Bajouaka ba smartphone et ba téléphone. On est France a pesa ki bango 40 000 smartphones pour ba tricher na mon compte ya nani ya Fayulu. Ata bo ngoli ko tricher. Ne bajouaka yango pour aider Fayulu. Donc l'église catholique a salué guerre, a lutté pamba, mais a lutté pour na solo parce que le président Félix est là. Mais n'attend beaucoup de gens comme cardinal les lots. A kende qui kozoua mbongo et à France pour que Fayulu a le cas. Et dire que l'église est au milieu du village. Mais en Mongo, à Zouaka Mongo, il y a France. Qu'en Mongo, c'est-à-dire quoi, bah, son derrière, bah, smartphone. Et il le sait, il l'a déjà reconnu. Bah, y'a qui n'a pour tricher. Pour n'a qu'en Mongo. Bah, n'a qu'en Mongo, qui kotouna. Comment est-ce que le président Félix était opposant? Mabidi était opposant. Comment est-ce que l'Église catholique et que l'Église qui a prié Kaka Mabidi? Ce qui m'a dit d'azar et moi n'en boka oyo. Bango va qui a prié Kaka yo dengenini. Est-ce que l'Église catholique, surtout le bien l'Église catholique, tout comme vous généralisez, ce n'est pas bon. Est-ce qu'un bon est sérieux? Bon an basiko yo. Andi frelou, abandi koumama depuis 2012. Mais il y a pour s'accentuer, il y a 2013. Gouvernement ya Kabila et Tikala Jana Kokangade Funalwa Tamoko. Mais période yosowana, en bon balobakate que balkanalisation est ali. Token de malem. Tant que va échouer, kaka mon oui, il ne donne pas la paix au pays. Il attise le feu. Faut dire comme Tambola, c'est quoi parce qu'un résultat, c'est quoi parce qu'un résultat. Tant va quel cours constitutionnel, c'est quoi qui marque. Bah mon ami quitté, na landa ka des choses à ce loba. Faut dire me demande trop. Pourquoi? Parce que Bazala qui jamais n'a résultat. Attendez le Bazala n'a pas quoi depuis mes angoisses. Va créer ce qu'au problème la société congolaise que Fayoul a des cas qui aura échoué et ça va en bon goût à l'endroit de créer qui a un mot. Si on a dit Fayoul n'a aucune preuve. Fayoul a s'appuyé à Kana en bon goût. L'église catholique a dit. Mais bon, pour s'en faire, l'église catholique est comme ça, toute une population avec plan B. Et tu ne sais jamais comment on a. Bon, il y a que la même église là a trompé. Les opposants qui se réunissaient à Saint-Sylvestre, il y a un marque Kabunda, le Wakana a assis, on a parlé de côté de Zali Makasi. Bobo s'en que, dans le monde, il y a un peu de rapport dans Kabila. Alors Kabila a dit partie intégrante, il y a négociation. Mais vraiment, il faut que les Européens, ça y est, à tirer conclusion. Bandeko, pouvoir de Kabila, tu n'as jamais qu'on a fait de la Tamoko. Sikawa, Ambongo, le président Félix Sandini a la cardinal, parce qu'il pouvait dire non. Et il y a des gens qui ont la cardinalité. Parce que Malouda, Balongo l'a fait parce que Zaki Moulouba, Babomaka y a confié. Mobutu a demandé à ce que Batia Mungala, ne Batia que cardinal et Tchao. Tango à l'Ongo, Balobi, Makamo et Tikalakala na Ouest. Ne bâtir mon sengo. Tant que mon sengo est le qui, bâtir ici l'équateur, bâtir un bongo. Soit le roi Romana, et le roi Zonga la bachole. Tant que kaka, président Félix Tshisekedi, a motivé FARDC, babandi ko récupérer ba village, babandi ko récupérer ba terrain, faillit la caisse. Musique à qu'est, Ambongo à qu'est. Maintenant, tant qu'Ambongo a commis est, voici le discours d'Ambongo. Il dit, la balkanisation est effective maintenant. Cela veut dire que Mboka na bisoana ya est, selon Ambongo, bapa yabazi ango sikoyo totalement. Na lingit so yo babona na kanayi. Botu na ye question sikawa. Cardinal Ambongo, pesa kombo. Ya village oyo ba uti kozwa na bapaya. Ako me la biso ke village tel. Basi basi yango village tel basi yango territoire tel basi basi yango na bapaya bakoti bapaya yango bango kombo bango bangoyo ambongo pesa message ya motuya ye akena est ko décourager population biso pe population tango zo le banabino en face. Que Mboka est balkanisé et que vous regardez dans Mboka la ville de Bozali, pourquoi ne pas le contredire sur le champ? Mboka s'en attaque à Mboka, Mouzito, Fayoulou, il n'y a que eux là, Balobaka chaque jour que le président Félix a réussi. Michel a donc ça comme ma trouble dans le pays. Cela veut dire Bako qui concepte la tant que te far de ce et l'ombre et tomba. Parce que ce qui est l'ombre est ce comme une akimia et sa réussite à président Félix Tshisekedi. Or, Bango prier la Bango chaque jour et sa lia que président Tshisekedi a échoué. Bango va sa lana et sengo. Or, ce qui présente Félix Tshisekedi n'a far de ce ba échoué. Est-ce Bako Kanga yango na ba oye voye ou va vingi kozo yango. Ambongo, Fayulu, Muzito, et que ça les sengo na bango. Est-ce que ces gens méritent d'être des Congolais? Et ça mituna. Bon, on va auto soutenir kaka tel tel. Biso tozo tala. Biso tozo mona. Cardinal, ou tu kokota ki cardinal? A tali comment pour organiser l'église catholique te malamo pa koti makambo ya armée. A koti armée za ko kanga ba terrain pour la première fois depuis la guerre de l'Est et ça na période président Félix Tshisekedi nde ba kangi ba tu nde ba tu ba za ko zonga par centaine nde ba mboka ba bandi ko pe ma mwa dambu et c'est le moment où ces trois Bakiti kuna pour dire awa basi basi mboka na bapaya. Deuxième déclaration de discours ya Mbongo. Il dit les villages sont vidés. Ba est wana batu basi ba vide bakimi. Aye bise siko biso. Ba oye alobi bakimi. Bake Rwanda. To bakimi wazaka na Congo. So baza na Congo, hake mbe na bakameramen, ba filme ke bako na lo baki bakimi este mobimba, bango na Kasai, ube bango na Equateur, ube bango na Kishaso to na Bandundu, bakinde ko filme. Ka ilvi ba vide, bande kuma po sakape ba kesyonti. Nombre ya batu ba este baza e bele, ba lo ngwe selo Mbongo. Mais pourquoi le bateau est-ce que Bazali? Oh, Bazako Kima, Massassinde. C'est normal, tant que le frère de César, quand tu as massacré, papa, papa, population, il faut bouger pour récupérer, du latin, on va récupérer, population, ils ont dit, bah, famille, qui va bâtir sécurité, va l'équi. Mais si, Kouyo, la troisième déclaration est en Bongo, avant le baboye, que village, il n'y a Kimi, et puis, bah, repeupler, c'est-à-dire, hein, bah, tu as sika, bah, y'a pas de village, wana, bah, y'a pas de village, y'a pas de est. Bon, tout n'a cardinal Mbongo. Bah, oh, bah, j'y a sika, bah, outi mbo kanini, po, bah, y'a pas de fanda, wana. Kango siko, bah, fandi, wana. Ape sa kombo na bango, provenance na bango, bah, outi wapi, a expliqué biso. Alors dit, Congolais non ce qui qui est, ba balkanisé est, nde ba tu ya sika ba paye ba zumboka ba yeko kota, butu na Mbongo ba paye ba uti wapi, nombre nini e yeko kiko contenir est. Et puis butu na lisusu, ba paye ba peuple ya sika ba yeba koti, ba liya far de cet ango zobe ta toto, yeko kiko boma mu paye wana ti. Au moins congolais de Kokima. Mpayaya de Kokima. Vous comprenez le niveau tellement mabé, il y a quoi il y a qu'on appelle Félix Tshisekedi. Pour de l'unier, vous souhaitez mboke kende. Bino peut batoyer, c'est même de l'ambarabango. Itali bino. Je continue l'analyse. Mbongo a lobi la balkanisation est effective. Mais il n'a pas dit qui a balkanisé. Pour la parole, il y a du français, place en athée. A lobi, est-ce que notre chico va dire en gros la bapaya? Mais a lobi, t'es, nani nous t'a kati en gros. Nous payons ni chico yakoti. Qui est le balkanisateur? en Bongo, qui est le balkanisateur. Ce qu'on le dit que va balkaniser, c'est qu'il y a lui qui a balkanisé, il faut dire de sa population congolaise, qui a balkanisé. Bandeko. Comment en Bongo, Azo Soukana Makamboke, que de la dialogue. Azo Senga, na président Félix Tshisekedi, a ben la dialogue bang bang. Non, ça je suis à l'écoute à Toboy. Au rabat, tu vas dire non, au lieu de faire la guerre, il faut dialoguer. Et ce que tu fais de place, bon, tu dialoguer. Papa en Bongo. Personne n'a le résultat, Saint-Sylvestre, avant qu'on ait un dialogue, yo. Yo, bon, mais là, qui va dire qu'on est à Saint-Sylvestre, résultat, c'est la canine. Tu souka un embauchement, un dépochage. Rien de bon n'était venu de vous. Tu tout mis ce qu'on a en Bongo. Parce qu'on veut insister que le président Félix Tshisekedi a un dialogue. Tant que le dialogue est au salé Manakishasa, esthétique à l'égard rapport lui aux autres entre dialogue au solo la solo là pour se retrouver parce que je n'ai pas place pour base à ce qu'on appelle ça Fayoulou. Oh, le président Félix Aloba qui jette la main vers les soldats du peuple qui n'a jamais été un soldat du peuple parce que le soldat du peuple qu'on appelait c'était Laurent Désiré Kabila. En bon moment pour nous, la meilleure infiltration, il y a comment Mujito et Fayoulou peuvent se retrouver dans les institutions avant qu'on nous cadre dialogue pour dire que l'élection te faire tomber résultat, te reprendre. Parce que comprenez que Fayoulou Alobaki a comme chef Moko, il y a bah, assise, Oyo et Kozala, il y a qu'on réformer dans l'institution. Le coup des invités, président Félix a dit que Kendema assemblée ici qu'aux Ali poser problème wana alors à mon son parce que soit que awa koko takaka na salle a ko bimana son nda bazo luka koma ba ko jouer carte wana Fayoulou ko ba ko zonga wa a ko manit ba on discuter à force égale avec le président Félix Tshisekedi. Maintenant nous disons monsieur Ambongo, quel rapport y a-t-il entre dialogue aux Oluka na guerre à est? Mbote na bande konanga nyonso ba kongole na bipe nyonso bino bozwami. Naza ku souhaiter bino susu ba bon année ba meilleur ve makambu ya bien pona mbula oto bandi. Ndenge na ebisa bino mbala sima ke ane o eza ane ya action. Ba mama il faut to telema. Na ebisa bino ke baloba ki ke basi ba tonga mboka teme mbula oyo il faut to lakisa ke to tonga ka mboka. Don na yango mbulo ba mama bande konanga ya basi. Toti kala ka to vandi to ba wo poto za ba mama to se ilo kote to tele mabiso nyonso to tele mpona ko ide mo konzi amboka ba o baza en politique te ba bitike politique za ya batata toti ke lipe ba papa makambu to moni ke ba sali makambu ba za ko sala bien te na ndenge na biso lelo biso ba mama to simba na maboko makambu ya kota ikolo esate mu Kongo mu Ngala mu Luba mu Swahili to sangana to simba na maboko, mutu na mutu aya na ndenge na ye, pona kosunga mokonzi ya mboka, to telema, to kende liboso bandeko na ngai. To telema, poto lakisa ba papa, ke ata bango bakanisi ke biso tosa eloko te, to lakisa bango ke biso, toza kapable ya kosala biloko, toza kapable ya kosala makamu, toza kapable ya kokota na ba porte nyonso, na ba makamu nyonso, misala nyonso, politike ba klasi, ba uweze, ba nyonso, ifo toza ba mama entrepreneur. Na yango mwalite na zaki na oyo pesa mino yango wana determination na ngai na lobi na bino ke ki salome banda to bandi yango baksion 2020 et puis to tout nous en bongo soki dialogue le seleme no ya sia balganiser est ya sia kote na population mbala moko akimi est alongo expliquer aux gens soki to sali dialogue yo zo senga en bongo tout le monde a samba samba du bosso na yo. nde balikalisateur oyo yebi a kimi est na population na ye asika ye nango ekokima est nde mala moko ba population ezala ki a est esika batye bango oyo yebi nde bakoya kozonga. Non, vous nous prenez pour des imbéciles ou comment? Non, c'est pas possible. Nous sommes en train de dire enfin, n'après Moko en Bongalobi, qu'il y a de l'infiltration. Mais l'infiltration, il y a sur les amis. Il n'y a pas que pouvoir à Kabila et comme ça qui va infiltrer. Ou il y a Mobutu et comme ça qui va infiltrer. Mais vous, en Bongo, vous avez amené les infiltrés. Vous avez infiltré le processus électoral avec l'argent des Français que vous avez eu. Basmar 40 000, c'est l'infiltré, non? Ceux qui besoin ça, la macabre besoin ça, la comment ça la pression parce que Mongo y a pas tout besoin qui me justifie en côté d'un échec nabino. Les infiltrés, c'est vous. Les gens qui veulent tuer ce pays, c'est vous. Les gens qui veulent balkaniser ce pays, c'est vous. C'est clair et net. Vraiment de véritables Congolais. Bien sûr, vous allez qui place Moko. Moko, quand il a bien agi, vous avez besoin de combattre. Na règne, na ye, babandi ko kanga ba de flalo, babandi ko découvrir. Parce que tout le monde va dévoiler le secret. Il y a des députés dans Katiaku, il y a des ministres dans Katiaku, il y a des clergés dans Katiaku. Mais au moment où il vient de vous dire, Bolivie, vous quittez dans l'Est, en Bongo, tu n'es pas né de la dernière pluie. Vous allez qui kakawa, jamais aucun d'Est est complété, même dans Omélie, dans le Bayangote. Mais regardez les papes. Qui est ton patron? Omélie Naïe, Yanoël, a cité 7 fois Kombo et Félix Tshisekedi. Barack Obama a dit maintenant, il y a de l'espoir pour la RDC, car le président Félix Tshisekedi est une chance pour cette République.